Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne, ô vase de tristesse, ô grande taciturne, et t'aime d'autant plus, belle, que tu me fuis, et que tu me parais, ornement de mes nuits, plus ironiquement accumuler les lieues qui séparent mes bras des immensités bleues. Je m'avance à l'attaque, et je grimpe aux assauts comme après un cadavre un cœur de vermisseau, et je chéris, ô bête implacable et cruelle, jusqu'à cette froideur par où tu m'es plus belle.